puis on passe tout de suite à la plage avec Clara Lévy. Oh la plage. Yeah, oh la plage. Ok, la plage. C'est déjà la plage. Mais c'est déjà la plage. Mais c'est déjà la plage. Mais moi, j'ai été perturbée par les sons derrière, où j'arrive plus à savoir si c'est les sons de l'ordinateur ou si c'est les sons du concert qui se passe en même temps. Alors, c'est la répétition de Re-Ghoster, que nous avons entendu en document et que nous réentendrons ce soir. En tout cas, là, on est très heureux et heureuse d'accueillir Clara Lévy, qui était venue hier... jouait à Archipel et qui jouait sa dernière création, 13 Visions. Donc bonjour Clara Lévy. Bonjour. On ne se voit pas très bien, il y a une lampe entre nous, donc je devine votre visage. Bah, moi, malheureusement, je n'ai pas pu être là hier soir pour votre concert, mais j'ai beaucoup suivi votre création avant, donc je la connais déjà. Un peu, mais je me demandais si ça s'était bien passé pour vous, pour commencer. Oui, ça s'est très bien passé. Il y avait une très belle condition d'écoute et en fait, je pense que c'est un projet qui dépend de ces conditions-là. Donc, la présence du public m'apporte beaucoup et ça me nourrit et ça me permet de jouer, de continuer dans cet engagement. Voilà. Si je compare à quand je répète chez moi avant, c'est un peu moins intense et un peu plus ennuyant. Et donc c'est une pièce pour violon, vous êtes violoniste, hein, et avec une inspiration de l'œuvre des compositrices Hildegard von Bingen et Pauline de Oliveros. Et donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le lien que vous avez créé entre vous et ces deux compositrices, donc une du XIIe siècle et puis une du XXe siècle? Oui, bah en fait, déjà je les ai rapprochées parce que je trouvais qu'elles avaient beaucoup de choses en commun, normalement, notamment dans une certaine relation au mysticisme. Alors, Hildegard von Bingen était catholique, mais c'est aussi... C'était aussi la norme de l'époque. On pourrait supputer que si elle avait vécu au XXe siècle, elle aurait pu être autre chose. Et Pauline Oliveros aussi, qui avait ce mysticisme et un rapport à la nature très, très fort. Et donc pour ce projet, je suis partie d'une partition texte de Pauline Oliveros qui s'appelle 13 Changes et qui consiste en 13 instructions. Donc c'est 13 phrases. Qui sont un peu des tableaux un peu cosmiques ou New Age. Donc, par exemple, la première pièce s'appelle Standing Naked in the Moonlight, Music Washing the Body. Donc, se tenir debout sous le clair de lune, la musique lavant le corps. J'ai utilisé cette partition comme structure du projet. Donc, il y a 13 pièces. Et en même temps, ça m'a permis de déterminer des contraintes de timbre que j'applique sur le violon. Donc c'est l'univers sonore. Et pour chacune de ces instructions, je suis allée choisir une monodie d'Hildegard von Bingen et qui me sert de trame modale. Donc on n'entend jamais vraiment les chants d'Hildegard von Bingen, mais il reste une forme de squelette ou de négatif de ces chants, donc je pourrais par exemple les chanter par-dessus. Voilà, j'espère que ça apporte un peu de clarification. Mais peut-être qu'on peut écouter le morceau dont vous parlez tout de suite, ce qui nous éclairera encore plus, et on continue l'interview juste après. Thank you. Bonjour Clara. Bonjour Antoine. J'avais une question par rapport à l'association de chaque monodie à une instruction de Pauline Oliveros. Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose en fait et puis éventuellement de quelle manière, ou est-ce qu'on pourrait imaginer que chaque instruction et chaque monodie pourrait être interchangeable ou peut-être donner lieu à d'autres à un autre programme? Eh bien, ça s'est imposé d'une certaine manière parce que j'ai choisi les monodies qui me plaisaient le plus, et puis je suis allée aussi regarder les textes de ces monodies et j'ai créé un espèce de dialogue fictif. Alors personne n'y a accès en fait, c'était vraiment un document de travail pour moi. Donc c'était soit parce que les hauteurs de notes me convenaient par rapport à ce que je voulais faire déjà de ces instructions chez Pauline Oliveros, soit parce que le texte je trouvais concordait assez bien. Et j'aime bien cette idée de tension et d'invisible et de choses qui n'est pas dite dans la musique. Voilà. Après, maintenant, je suis en train de travailler à une version pour violon et alto. Et où, alors, je ne vais pas reprendre toutes ces visions, mais je reprends les instructions de Pauline Oliveros. Et là, en fait, pour adapter, je fais vraiment un travail de réécriture. Je suis obligée parfois de prendre d'autres monodies que celles que j'avais prises dans la version pour violon solo, soit pour que ça corresponde aussi aux cordes et au spectre harmonique de l'alto. Et puis dans l'ordre dans lequel ces visions apparaissent en fait en concert, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui s'est un petit peu imposé, ou est-ce que finalement tu choisis l'ordre ou de jouer chaque partie un peu sur le moment? Enfin, parce que j'avais en tout cas la sensation en assistant au concert qu'il y avait vraiment quelque chose de, enfin qui quelque part coulait vraiment de source en fait, qu'il y avait une sorte de rythme intérieur qui donnait une forme, une grande forme en fait à ces 13 visions. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, y a, je propose deux versions de ce projet. Une version où je joue l'intégrale, et donc là, je joue ces visions dans l'ordre de la partition de Pauline Oliveros. C'est une version qui dure 1h30, donc c'est un peu compliqué à programmer dans des festivals. Et hier, en l'occurrence, j'ai joué une version courte de 45-50 minutes. Et là, j'ai pris au fur et à mesure que je jouais ce programme dans cette forme-là, j'ai construit un peu une forme. Donc il y a certaines visions que je répète, je ne les joue pas dans le même ordre, enfin, j'essaie de créer une autre proposition dans la dramaturgie, parce que je me suis dit que quitte à ne pas tout jouer, autant revoir cet ordre. Et je me demandais quelle était, on peut dire, la filiation entre votre travail de musicienne et celui de ces deux artistes au départ, enfin, qui fait que vous allez vers leur travail. Alors, assez étonnamment, j'ai beaucoup parlé de la notion de mysticisme, mais moi, je ne suis pas du tout mystique. Enfin, en tout cas, j'ai été élevée dans un environnement très, très athée et... Voilà, ce qui est bien, mais du coup ça me fascine en fait, parce que c'est quelque chose qui est assez étranger à ce que je connais, donc déjà ça m'intéresse. Ensuite, la personnalité de Pauline Oliveros, ça a été très libérateur pour moi. Ça fait partie de ces figures qui ont des formations de musiciens, musiciennes classiques, qui se sont émancipées en fait de ça, tout en respectant cet héritage. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fini le conservatoire, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de faire d'orchestre ou des choses comme ça, ce qui est un très beau métier, hein, mais ça me convenait pas. Et du coup, de découvrir tout ce champ de la création, ça a été extrêmement libérateur. J'en parlais aussi à Carole Robinson, parce que c'est aussi des figures tutélaires comme ça qui m'ont permis de me dire « Ah, mais je peux faire ça aussi !» Et Hildegard von Bingen, et ben en fait, c'est par la pop culture que j'y suis arrivée. Voilà, alors ça fait quelques années qu'on parle de ce phénomène sur YouTube qui s'appelle le bardcore, de reprise médiévale de chansons pop. Il y a une chaîne qui s'appelle Hildegard von Bingen. Et bon, alors je connaissais déjà. Je connaissais déjà la personnalité d'Hildegard, mais ça m'a donné envie d'aller un peu creuser de ce côté, parce que ça me fascine un peu toutes ces idées reçues et toutes ces images qu'on a sur le Moyen-Âge dans la pop culture. Alors je trouve que par exemple dans les films qui se passent au Moyen-Âge, on a l'impression que c'est toujours l'hiver et qu'il fait toujours gris. Et ça m'intéresse, ces distances d'interprétation. Et bien sûr, en tant que femme musicienne, j'ai été éduquée avec des figures essentiellement masculines dans mon éducation classique. Et de découvrir des femmes compositrices et aussi de sortir de ces idées reçues que les femmes avaient très peu de droits au Moyen-Âge, ce qui est pas vrai en fait. Ça faisait du bien. Et hier, durant le partage d'écoute, vous nous avez fait écouter un enregistrement d'une méditation de Pauline de Oliveros, une méditation sonore, et je me demandais quel était, vous, votre rapport à la méditation. S'il y avait de ce côté-là du travail de Pauline Oliveros quelque chose qui vous influençait? Oui, en fait, quand j'ai découvert le deep listening, c'était quand j'ai fait. Après, j'ai fait des études de musique contemporaine et on avait eu des workshops autour de ça. Et en fait, ça a révolutionné ma manière, enfin mon rapport aux choses. C'est-à-dire que je me suis mise à écouter et à apprécier tous les sons qui m'entouraient. Et ça a aussi eu un impact très important sur ma manière de jouer du violon, où je me suis rendu compte que c'était pas juste de mettre l'archet bien, bien au milieu et de jouer juste, entre guillemets. Donc je me suis mise à vraiment m'intéresser à toute forme de son et de timbre. Je sais pas si c'est vraiment un rapport à la méditation, mais c'était plus cette acceptation et cet amour pour tous les sons. Et puis justement, cette pluralité des timbres, on les retrouve dans le concert de hier. Il y a parfois l'utilisation d'objets pour modifier ou peut-être pour définir certaines spécificités du son du violon. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui finalement est inhérent à la musique de maintenant, ou est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà peut-être dans la musique ancienne? Alors, les préparations et les modes de jeu, ça existe en effet depuis très très longtemps. Dans le répertoire pour violon, il y a ce cycle de sonates de Bieber qui précède Bach. Donc, il était actif au XVIIe siècle, qui utilise beaucoup d'effets. Et moi, ce travail-là, c'est parce que j'avais aussi envie de rendre hommage au travail en musique électronique de Pauline Oliveros, et aussi parce que j'écoute beaucoup de musique électronique. Alors, c'est pas mon instrument, donc je travaille pas avec des synthés et tout ça, mais je me suis dit, comment recréer ça au violon dans une économie de moyens, parce que j'avais pas du tout envie de commencer à aller acheter des pédales d'effets et me ramener avec une valise de pédales d'effets. Il y a un avantage dans le violon, c'est que c'est assez transportable et je voulais vraiment garder ça. Donc je suis allée chercher des petits trucs pour essayer de réévoquer ces sonorités électroniques. Par exemple, il y a un archet que j'utilise et où je l'ai entouré complètement de fils de pêche. Où j'utilise des sourdines en plomb que je peux bouger plus ou moins sur le chevalet, donc ça peut faire des sons un peu de transistor, de vieux transistor ou de délai granulaire. On arrive déjà doucement à la fin de cette interview, mais je me demandais avant de finir Si vous pouviez nous dire un peu quelle était la suite pour vous, est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce que vous continuez à tourner avec 13 Visions? Et est-ce qu'il y a des collaborations? Eh bien, je vais continuer à tourner un peu avec 13 Visions parce qu'il y a certains festivals qui m'ont programmé pour 2025. Donc, il va bien falloir que je continue un peu à garder ce programme dans les mains. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je travaille sur une réécriture pour violon et alto. Donc ça va être aussi une aventure parce que c'est quelque chose d'écrire pour quelqu'un d'autre aussi. Après, je vais sortir un prochain disque alors c'est pas mes musiques, c'est avec des musiques de Yashinto Chelsea, Kayasa Ariao, Erika Vega et Eva Maria Uben. Donc je commence un peu à faire la promotion et la diffusion pour ce projet. Donc avec un peu de chance, je vais pouvoir aussi le rejouer en live. Et des projets collectifs aussi, notamment un travail de réinterprétation, réécriture des Cantigas de Santa Maria, qui a un recueil de monodies médiévales du XIIIe siècle. Et l'idée, c'est de réinterpréter ces partitions de façon historiquement non informée. Donc, on essaye de faire fi. On essaie de voir ça vraiment avec des yeux de personnes du XXIe siècle qui découvriraient des documents et qui n'auraient pas vraiment ces clés qu'on a par rapport à toute la recherche qui a été faite en musique ancienne. Donc, c'est vraiment C'est aussi un questionnement par rapport à l'écriture musicale. Voilà, qu'est-ce que fixe l'écriture musicale et quelle est la marge de liberté laissée aux interprètes? Et j'avais l'impression que tu avais une question, Antoine, mais sinon on s'arrête doucement. Mais... Non, mais je crois qu'on arrive à l'heure d'écouter... Ah, pardon, excuse-moi. Je sais que ça, j'avais bien me censurer, mais du coup, on est arrivé. On en est là, oui. C'est pour ça que j'étais en silence. C'est pas parce que j'avais rien à dire, c'est que j'avais pas de micro. Je voyais bien que la bouche bougeait, mais... C'est ça d'être aux commandes. Je crois, ça mais encore. Encore plus autoritaire. Maintenant que tu as la parole. Maintenant que j'ai la parole, je suis surpris, je ne sais pas quoi dire. Effectivement, non, je ne sais pas si le délai avec le salon d'écoute nous permet d'avoir du retard ou pas. Je pense qu'on a toujours un petit peu de. Oui, donc Antoine, vas-y, pose la dernière question, là, que c'est toujours la plus importante en fait. Ouais. Non, mais je ne sais plus maintenant. Tu ne peux pas prendre la parole pour me demander désolé, de poser la dernière question. Ou c'est peut-être ça la dernière question. C'était peut-être ça, oui. C'était un dépistage. Bon, mais merci infiniment, Clara Lévy. C'était vraiment un plaisir de vous avoir ici. Merci à toutes et à tous pour ces questions. Oui, merci. Aussi. Merci beaucoup. Voilà. Bonne suite. Et puis, juste pour rappeler, on avait enregistré le partage d'écoute hier, et donc le partage d'écoute de Clara Lévy, où il y a plusieurs de ses inspirations en écoute. Donc, n'hésitez pas à le réécouter. Il est sur le site archipel.org, sur la page de la radio Archiradio. Donc, merci.